Bouddha regard of Tonlapa Sattha Sampatti, the complete Sattha of faith, I'm trying to explain with the reference of Rahula Sutta. Le Bouddha s'adresse au jeune novice Rahula. J'ai essayé de vous expliquer ce sutta avec une confiance complète. Le Bouddha expliqua donc au novice Rahula comment il faut observer les éléments avec beaucoup d'attention, dans le but de voir la véritable nature de ces éléments. Lorsqu'un yogi ou un bhikkhu réussit à voir la véritable nature des éléments, autrement dit, qu'il comprend que ces éléments ne lui appartiennent pas, qu'ils ne constituent pas une personnalité, ce yogi ou ce bhikkhu va progressivement éprouver du dégoût pour ces éléments. De cette façon, il va progressivement se libérer du désir. Aujourd'hui, je vais poursuivre mon enseignement à propos du sutta de Rahula. Lorsqu'on pratique vipassana, il ne faut pas délibérément rechercher ces éléments à l'intérieur de soi. Lorsqu'on est très attentif au corps et à l'esprit, on va spontanément expérimenter les éléments. On va spontanément expérimenter les cinq agrégats, les huit facteurs de l'octuple sentier, les quatre nobles vérités. Pour y arriver, il faut noter tout ce qui se manifeste aux six portes sensorielles. Hier, je vous ai expliqué comment le yogi qui est très attentif réussit à voir clairement les éléments à l'intérieur de lui. Il va voir patavidhatu, la dureté et la douceur, apodhatu, l'eau, l'élément eau, tejodhatu, l'élément feu, Vayodhatu, l'élément vent ou air. Si le méditant pratique de façon assidue, en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes, s'il réussit à maintenir son attention sans interruption, autrement dit, s'il réussit à emmener son attention partout avec lui, il pourra remarquer, expérimenter ces quatre éléments à l'intérieur de lui. Si nous travaillons de façon diligente, nous expérimentons ces quatre éléments dans notre propre corps. Nous les avons donc expérimentés. Dès le moment où nous les aurons expérimentés, nous pourrons accepter l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha nous dit « Il y a en nous les quatre éléments ». Nous nous dirons « Oui, c'est vrai, je les ai expérimentés. J'ai senti les quatre éléments » au moment où j'observais le mouvement de soulèvement et le mouvement d'abaissement de l'abdomen. Je les ai ressentis dans la main, au moment où la main bougeait. Je les ai ressentis au moment où je changeais de posture. Pendant la marche, j'ai expérimenté l'élément air, j'ai expérimenté la dureté, la douceur. Si donc nous réussissons à expérimenter les éléments à l'intérieur de nous, nous pourrons accepter l'enseignement du Bouddha. Mais nous n'avons cependant pas encore compris ces choses parfaitement. Le Bouddha dit à Rahula, il faut réussir à voir les éléments à fond, de façon authentique, et avec Samadhi, les vues justes. Ceci veut dire qu'il faut réaliser par soi-même dans sa propre pratique que les éléments ne sont pas à soi, qu'il ne se constitue pas une personnalité et qu'il n'y a pas d'ego. Comprendre expérimentalement cela, c'est comprendre de façon authentique, à fond et avec les vues justes. Nous devons donc pratiquer jusqu'au moment où nous aurons réussi à comprendre de façon complète. Lorsqu'on pratique la méditation, au début, on comprend que ce n'est pas facile de maintenir l'esprit fixé sur l'objet, parce qu'il y a beaucoup de pensées, des imaginations, des souvenirs. C'est la raison pour laquelle le Bouddha recommande aux yogis de fournir un gros effort, un effort à la fois physique et mental. Le yogi doit noter sans interruption les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et tous les contacts sensoriels qui se manifestent aussi porte des sens. Il ne peut pas laisser son esprit vagabonder librement. Petit à petit, il va réussir à construire son attention. Il commence par ressentir le mouvement. Les yogis ont expliqué à l'entretien qu'ils ressentaient les mouvements. Pour certains, les mouvements allaient vers l'avant. Pour d'autres, ils allaient vers le bas, vers le haut. Parfois, les mouvements étaient doux, parfois saccadés. Les yogis ont donc ressenti le mouvement. Si le yogi poursuit sa pratique et qu'il note sans interruption les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, que pendant la marche il réussit à noter les différentes phases du pas, sa compréhension va progressivement changer. Au début, lorsqu'il observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il ressent effectivement un mouvement, mais en même temps, l'idée d'un abdomen qui se dilate lui vient à l'esprit. Au moment où il observe les différentes phases du pas pendant la marche, il ressent le mouvement, mais en même temps, la forme de son pied qui s'avance lui vient à l'esprit. Il exprime son expérience en disant « Mon pied s'avance, mon abdomen se soulève ». Le yogi n'est pas encore en mesure d'éliminer le concept. Au début, on demande au méditant d'observer attentivement son abdomen. En fait, il va observer mentalement l'abdomen. Au moment où il observe son abdomen, il ne l'observe pas avec les yeux ouverts, mais il l'imagine mentalement. C'est une espèce de visualisation. S'il ne passe pas par cette espèce de visualisation, il ne pourra pas maintenir son esprit sur l'abdomen. Pour pouvoir noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, de même que pour pouvoir noter les phases du pas lors de la marche, il est nécessaire que l'idée d'un abdomen lui vienne à l'esprit, que l'idée d'un pied qui s'avance et qui s'abaisse lui vienne à l'esprit. Si le méditant observe de cette façon très attentivement, il va ressentir le mouvement. Il va ressentir un mouvement vers le haut ou un mouvement vers le bas. Lorsque son pied va s'avancer, il va également ressentir un mouvement. Mais il est très difficile de noter ainsi sans interruption, parce qu'il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'imagination. Si l'esprit est envahi par les pensées, cela veut dire que l'attention est brisée. L'esprit ne voit plus les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il ne voit plus les mouvements des pieds. C'est pourquoi il est recommandé aux méditants d'essayer de noter sans interruption, d'arriver à l'attention ininterrompue. Vous appliquez donc les recommandations du professeur et vous essayez de méditer de façon respectueuse, en notant à chaque instant du mieux que vous le pouvez. Vous allez ainsi construire votre attention. Après un certain temps, vous disposerez de la force de l'attention dans une certaine mesure. Lorsque vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen de façon respectueuse, tôt ou tard, votre expérience va changer. Votre compréhension de ce phénomène va changer. Vous ressentirez de la douceur, de la dureté. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen vont vous apparaître comme étant saccadés, durs, doux. Vous sentez alors le mouvement, mais vous ne voyez plus la forme. Cette forme de l'abdomen qui se gonfle ne vous vient plus à l'esprit. Vous ressentez simplement la douceur, la dureté, le mouvement. Vous avez beau chercher cette forme, vous ne la trouvez plus. Au début, lorsque cette expérience est nouvelle pour lui, le yogi est surpris. Il se demande s'il n'aurait pas régressé, car il n'est plus capable de ressentir les mouvements. Il voit simplement, il ressent simplement les sensations. Lorsque donc on développe l'attention, tout naturellement on va dépasser les concepts. Et ce sera la même chose lorsque vous bougerez la main. Au début, lorsque l'attention n'est pas encore forte, le méditant expérimente un mouvement, mais en même temps, l'idée de sa main qui se déplace lui vient à l'esprit. Après quelque temps, il ne ressent plus qu'un mouvement à l'état pur. Lorsqu'il pratique la marche, c'est la même chose. Au début, il ressent le mouvement du pied, mais en même temps, l'image de son pied qui bouge lui vient à l'esprit. Lorsque son attention sera devenue forte, le méditant ne verra plus le pied, cette forme du pied ne lui viendra plus à l'esprit, il ressentira simplement les sensations. C'est pourquoi certains méditants expliquent à l'entretien qu'au moment où ils pratiquent la marche, ils sentent leur corps extrêmement léger, ils ont l'impression de marcher sur de l'air. Au moment où vous êtes ainsi très attentif, vous ne pensez à rien, vous vous sentez heureux. Vous avez compris dans une certaine mesure. Vous ne voulez plus arrêter votre méditation. Votre attention est fixée sur l'objet. Et même si vous ne connaissez pas la théorie, vous avez compris expérimentalement. Vous notez les éléments, vous expérimentez l'élément air, l'élément terre, lorsqu'il y a par exemple de la douceur ou de la dureté. Vous êtes conscient des éléments. Mais si l'esprit n'est pas clair, il ne sera pas possible de voir clairement. L'esprit qui n'est pas clair est un esprit envahi par les pensées, par les empêchements. Les empêchements sont précisément ce qui nous empêche de voir clairement. C'est pourquoi il est recommandé au yogi d'emmener son attention partout avec lui. Il doit essayer de noter sans interruption, de façon à comprendre clairement ce que veut dire le Bouddha. Le Bouddha nous dit qu'il n'y a pas de mien, pas de mon, pas de je. Si nous sommes très attentifs, nous pourrons voir tout cela, et nous éliminerons ainsi les vues fausses. Si au moment où nous observons les mouvements de l'abdomen et les autres objets, nous percevons qu'il n'y a pas de forme, nous comprenons qu'il n'y a pas de forme, nous réalisons cet enseignement du Bouddha, et nous nous débarrassons des vues fausses. Le Bouddha nous dit qu'il n'y a pas d'individu, il n'y a en nous que nama et rupa, des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Comment allons-nous réaliser nama et rupa? En notant sans interruption. Si le méditant note sans interruption, il verra qu'il n'y a en lui que deux choses, l'esprit qui note et la matière, nama et rupa. Un yogi qui est très attentif devient donc progressivement capable d'accepter l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha dit à Rahula, « Rahula, ayant vu clairement les choses telles qu'elles sont réellement, autrement dit, ayant vu clairement qu'il n'y avait pas de je, pas de mon, pas de mien, le dégoût pour les éléments va progressivement s'installer chez le bhikkhu. Je ne sais pas comment vous interprétez le mot dégoût, mais c'est la traduction. Lorsqu'en posture assise, nous notons de façon assidue les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, que nous le faisons sans interruption, il est possible que vous vous ennuyiez. On vous dit, l'objet primaire est très important. Vous pouvez expérimenter beaucoup de choses au moment où vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Et à l'entretien, on vous demande d'expliquer en détail la façon dont vous avez observé ces mouvements. Petit à petit, vous commencez à vous ennuyer. Vous êtes lassé de devoir toujours observer ces mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et de devoir faire votre rapport. Mais cet ennui-là est différent. Si vous observez sans arrêt l'objet et que vous disposez de la force de l'attention, votre esprit va finalement rester fixé sur l'objet. Il ne quittera plus l'abdomen. Il n'y aura plus aucune pensée. L'esprit aura atteint ce dont nous avons parlé précédemment, les jhanas. Il sera fixé sur l'objet. Vous ne voyez plus la forme. Vous ne ressentez que des sensations très subtiles. On vous explique que même si vous ne ressentez plus les mouvements de l'abdomen de façon très claire, que les mouvements sont devenus très subtils, vous devez malgré tout continuer à noter et à observer très attentivement. Vous expérimentez les éléments et vous continuez à noter sans arrêt. Au début, c'est difficile de suivre le mouvement de l'abdomen du début à la fin, c'est même impossible. Mais il faut que le méditant persévère, qu'il observe très attentivement. Lorsque son attention se sera développée, il verra clairement le début du mouvement de soulèvement et la fin du mouvement de soulèvement. Il verra clairement le début du mouvement d'abaissement et la fin du mouvement d'abaissement. Il poursuit sa pratique, il continue à noter ainsi, et il constate que dans un seul mouvement de soulèvement, il y a énormément de changements. Plus le méditant est attentif, mieux il voit ces changements. Il voit qu'il y a un grand nombre de petits mouvements qui apparaissent et disparaissent très rapidement dans un seul mouvement de soulèvement. Et il expérimente ces apparitions et disparitions non seulement dans les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais également dans tous les autres mouvements qu'il est amené à faire. Il expérimente clairement la nature des apparitions et disparitions. Il ne voit en lui que des apparitions et disparitions. Lorsque le méditant voit clairement les apparitions et disparitions, il pense parfois qu'il est malade, que sa vue, par exemple, s'est détériorée. Il se plaint de vertige. Mais le professeur doit alors l'encourager. Continue, il n'y a rien d'anormal. Un yogi qui donc travaille de façon assidue, avec ardeur, va expérimenter l'enseignement du Bouddha. Ayant vu de quoi le Bouddha voulait parler, le dégoût va progressivement s'installer. Le yogi va donc avoir progressivement du dégoût pour les éléments. Il va se détacher des éléments. Il est capable dorénavant de voir les éléments en lui, dans son propre corps. Son esprit se libère ainsi de l'attachement aux éléments. Le Bouddha a dit que cela, le détachement par rapport aux éléments, c'est la plus grande qualité du yogi. Et le Bouddha poursuit, « Rahula, lorsque le bhikkhu ne voit plus dans les éléments quelque chose qui lui appartiendrait, lorsqu'il comprend qu'il n'y a là rien qui soit à lui, qu'il n'y a pas de je, on peut dire que ce bhikkhu a mis fin au désir. Le désir, c'est tanha. Ce bhikkhu a dépassé les entraves. Il a abandonné la vanité, mana. Il a mis fin à la ronde des renaissances. Il a atteint l'état d'arhat. Si le yogi est capable d'expérimenter les éléments, s'il comprend clairement les éléments tels qu'ils sont réellement, il est possible qu'il atteigne l'état d'arhat. C'est ce que le Bouddha nous dit. Le yogi va alors passer successivement par les différents stades d'illumination. Il commence par le fruit du Sotapanna, ensuite le fruit du Sakatagami, le fruit de l'Anagami et l'état d'Arhat. Avant d'atteindre le fruit du Sotapanna, il faut que le méditant réussisse à comprendre tout ce dont il vient d'être question. Vous avez entendu trois mots, désir, entrave et vanité. En atteignant l'état d'arhat, ces trois choses sont éradiquées. Hier, j'aurais voulu vous parler des entraves, samyojana. Il y a donc 10 entraves, 10 samyojana. Par la pratique de vipassana, le méditant qui atteint le premier stade d'illumination, le fruit du sotapanna, va se débarrasser de 3 de ces entraves. Sakkayaditi, la vue fausse, visikicca, le doute, et la croyance en l'efficacité des rites et des cérémonies. Sakkayaditi est un mot qui comprend deux parties, Sakkaya et Ditti. Sakkaya veut dire corps et esprit. Si nous ne comprenons pas clairement, nous croirons qu'il y a là des êtres, des hommes, des femmes. Nous ne comprenons pas qu'il n'y a là que Nama et Rupa. Par la pratique de Vipassana et des 4 établissements de l'attention, si nous travaillons de façon assidue, sans interruption, nous comprendrons clairement qu'il n'y a en nous que Nama et Rupa. Si nous voyons clairement qu'il n'y a en nous que Nama et Rupa, nous aurons éliminé les vues fausses. Sakkaya, c'est l'agrégat de la matière, Rupa, l'agrégat des sensations, Vedanakanda, l'agrégat des perceptions, Sanyakanda, l'agrégat des formations mentales, Sankarakanda, et l'agrégat de la conscience, Vijnanakanda. Ces 5 agrégats sont donc Sakkaya, ou encore Nama et Rupa. Nama, ce sont les phénomènes mentaux. Il y a 4 kandas qui appartiennent à Nama et 1 kanda qui appartient à Rupa. Si nous ne pratiquons pas Vipassana, nous serons pris par les vues fausses puisque nous serons des êtres ordinaires. Nous croirons qu'il y a là un être. Dès que nous aurons atteint le fruit du Sotapanna, nous aurons éliminé complètement ces concepts. Nous aurons éliminé les vues fausses. Nous aurons compris clairement qu'il n'y a à l'intérieur de nous pas d'être. Dans la vie de tous les jours, nous devons accepter ces concepts. Nous devons accepter qu'il y a là une personne, un animal, un deva. Mais en réalité, ces choses n'existent pas. Il n'y a là que Nama et Rupa. En atteignant le premier stade d'illumination, la personne élimine le doute. Le doute pour le Bouddha, le doute pour le Dhamma, son enseignement, et le doute pour la Sangha, ses nobles disciples. En réalisant le premier stade d'illumination, le méditant devient un être noble, un Arya. De cette façon, il a confiance dans la noble Sangha. Il a éliminé le doute. Le Bouddha dit à Rahula, « Rahula, les éléments doivent être clairement compris ou vus comme ne nous appartenant pas, ne constituant pas une personnalité, n'étant pas un je. Si nous n'expérimentons pas anicca, dukkha, anatta, il ne sera pas possible d'atteindre l'illumination. Celui qui atteint l'illumination voit très clairement anicca, dukkha et anatta. Ayant vu clairement anicca, dukkha et anatta, sa foi, son sasadda, devient inébranlable. La troisième chose dont le sotapanna va se débarrasser, c'est de la croyance en les rites et les cérémonies. Ce sont des pratiques ce que l'on appelle les pratiques incorrectes. Les gens pratiquent toutes sortes de choses dans le but de se libérer de la souffrance. Ils voudraient la paix. Et chacun va pratiquer selon son tempérament. Certains vont rendre hommage aux montagnes, d'autres vont rendre hommage aux rivières, d'autres encore aux animaux. Parfois, ils adoptent des comportements animaux. Mais le but est toujours le même, atteindre l'illumination, atteindre la libération, obtenir la paix de l'esprit. Du temps du Bouddha, il y avait des personnes qui souhaitaient atteindre la libération de la souffrance en se comportant comme des chiens par exemple. D'autres se comportaient comme des vaches, comme des taureaux. Ils mangeaient comme des vaches. Ils se déplaçaient comme des vaches. Ils pensaient que c'était de cette façon qu'ils allaient pouvoir se libérer de la souffrance. Mais lorsque vous aurez atteint l'illumination, vous saurez que si vous avez atteint l'illumination, c'est parce que vous avez pratiqué correctement. Vous vous direz, j'ai réussi à expérimenter certaines choses grâce à ma pratique. Et vous aurez donc la certitude que c'est la pratique qui vous a permis d'atteindre l'illumination. Pendant cette retraite, vous aurez sans doute compris comment l'esprit fonctionne. Grâce à votre attention, vous aurez expérimenté parfois la paix de l'esprit. Vous aurez expérimenté toutes sortes d'états d'esprit. Parfois, ils étaient très émotionnels. Parfois, l'esprit était paisible. Parfois, vous vous sentiez plein de dévotion. Vous vous sentiez heureux. Vous aurez remarqué que lorsque les impuretés grossières apparaissent, la colère se manifeste en vous. Lorsque l'esprit est positif, c'est le calme et la paix qui s'installent. Lorsque vous réussissez à bien noter, vous constatez qu'il n'y a pas d'impuretés grossières dans votre esprit. Votre esprit est devenu très simple, très honnête, très humble. Il n'est pas agressif. Lorsque l'attention se développe, les pensées deviennent positives, il y a de la dévotion, les paroles sont aimables, douces, il n'y a pas d'agressivité dans les actes. Lorsque vous aurez atteint le fruit du sotapanna, le premier stade d'illumination, vous aurez donc éliminé ces trois samyojanas. Les samyojanas, ce sont les entraves, on dit également les liens. C'est ce qui attache, de la même façon que deux cordes qui seraient attachées l'une à l'autre sont inséparables. Nous sommes des putujana, des êtres ordinaires, et donc nous avons encore un fort attachement. Donc, lorsque vous atteignez le premier stade d'illumination, vous éliminez trois de ces samyojana, sakayaditi, visikicha et silapata paramasa. Paramata. Rites and rituals or round practices. Donc la croyance en les rites et les cérémonies, autrement dit en les pratiques incorrectes. Mais nous avons encore Kamaraga Samyojana et Patiga Samyojana. Kamaraga, c'est le désir. Nous nous complaisons encore dans le plaisir sensuel. Patiga Samyojana, c'est l'entrave de la colère, du ressentiment. Kamaraga Samyojana, c'est donc le fait d'être attaché, d'aimer voir de belles choses, entendre des sons agréables, sentir de bonnes odeurs, goûter des mets délicieux, avoir des sensations tactiles agréables et penser. La pensée peut être très attirante, très agréable. Nous pouvons nous complaire dans la pensée. On peut être tout ce qu'on veut en pensée. Si on veut être roi, on peut l'être. Si on veut être un millionnaire, on peut l'être. Tout cela, donc, c'est Kamaraga Samyojana. Le Sotapanna, celui qui est entré dans le courant, ne peut cependant pas éliminer complètement Kamaraga ni Patiga. Mais en tant que méditant, au moment où il note, c'est les formes les plus grossières de Kamaraga et de Patiga ne pourront pas apparaître dans son esprit, tout simplement parce que l'esprit est occupé à noter. Si l'attention est forte, le méditant peut constater qu'il n'y a pas beaucoup de pensées sensuelles en lui. Les yogis ont expliqué à l'entretien qu'ils étaient dorénavant pris par des pensées, mais que ces pensées n'étaient plus en rapport avec le plaisir sensuel. C'étaient des pensées positives qui concernaient la méditation. Parfois, ils s'imaginaient encourageant leurs amis à méditer. Ils se voyaient faisant des enseignements sur le Dhamma. Parfois, ils ressentaient de la gratitude. Tout cela